Chapitre 12e. La demande d'arrestation. Ce fut le lundi soir que l'entrevue eut lieu entre Maître Ball et Richard. L'avoué eut de la peine à se laisser convaincre. Richard persistait et mentionnait tous les petits détails qu'il pouvait retrouver, par exemple sa rencontre avec Levison la nuit de l'enlèvement dans la ruelle aux bœufs, sa seconde rencontre avec lui à Londres, la terreur de Levison et sa poursuite. Il lui dit aussi comment il l'avait reconnu le samedi soir à la porte de la taverne du Corbeau, sans oublier la lettre anonyme reçue par le juge Hare le matin que Richard était caché chez Carlyle. Il était évident qu'on avait envoyé cette lettre à M. Hare pour l'effrayer, et le déterminait à en renvoyer Richard au Westline en cas qu'il eût trouvé un asile chez son père. Personne n'avait plus d'intérêt que Levison à empêcher Richard de tomber sous la main de la justice. « Je vous crois, Monsieur Richard, je vous crois absolument au sujet de Thorne. Mais comment puis-je croire que Thorne soit le même que Levison ? Cela est de toute invraisemblance. Vous pouvez vous en convaincre par d'autres que par moi. Otto et Bethel peut, s'il le veut bien, rendre témoignage de ce que j'avance, mais je doute qu'il le veuille. Il y a aussi Ebenezer. Que sait-il à ce sujet ? Il est précisément ici, dans nos bureaux. Eh bien, il a vu Thorne assez souvent autrefois, et il le reconnaît pour être Levison. Parlez-lui-en. Est-ce que vous répugnez à accepter cette cause contre Levison ? Pas le moins du monde. Si vous pouvez me démontrer solidement l'identité de Thorne et de Levison, je me mets de suite à l'œuvre. Levison est un coquin fieffé et mérite la potence. Je vais de suite faire appeler Ebenezer et l'entendre. Richard bondit comme un fou. Pas pendant que je suis ici. Il ne faut pas qu'il me voie. Pour l'amour de Dieu, Monsieur Ball, ne me compromettez pas. Calmez-vous, mon ami. Croyez-vous donc que je n'ai qu'un seul cabinet ? Monsieur Ball fit sortir Richard, l'introduisit dans une petite chambre particulière, puis, retournant à son cabinet, il fit appeler Ebenezer qui arriva sur le champ. « Monsieur, vous avez sans doute besoin d'une expédition ?» dit Ebenezer en entrant. « Non, mais j'ai une ou deux questions à vous poser. Avez-vous jamais entendu dire que Sir Francis Levison prit un autre nom que le sien ?»« Oui, monsieur, il a pris le nom de Thorne. » »« À quelle époque ?»« C'était pendant l'automne où Harry John a été assassiné. » Thorne avait coutume de venir rôder dans ces parages le soir. Pour quel motif rôdait-il ainsi ? Ebenezer se prit à rire. Pour le même motif que beaucoup d'autres, il voulait plaire à Fee Hallijohn. Où demeurait-il dans ce temps-là ? Je ne me rappelle pas l'avoir vu à la Westline. Il n'y demeurait pas, monsieur. Au contraire, il semblait singulièrement tenir à ce que Westline et lui ne fussent jamais ensemble. Il montait un cheval magnifique, pure race, et l'arrivée au galop à la brune, s'enfonçait dans le bois, faisait sa causerie avec Mademoiselle Laffy, puis s'en allait comme il était venu. Où allait-il, d'où venait-il ? Des environs de Swainson, à 10 000 d'ici, à ce que disait Laffy. Maintenant qu'il a repris ici son propre plumage, je suis bien sûr de trouver exactement l'endroit. Quel est cet endroit ? C'est à Levison Park, dit Ebenezer. Il est à peu près certain qu'il restait chez son oncle, et vous savez que c'est près de Swainson. « Vous reste-t-il le moindre doute que Sir Francis Levison soit la même personne que Thorne ?»« Monsieur, me reste-t-il quelque doute que vous soyez M. Ball et que je sois Ebenezer ?»« Eh bien, je ne suis pas moins sûr de ce que j'avance sur Thorne et Levison. »« Pourriez-vous affirmer ce fait devant un tribunal sous la foi du serment ?»« Je le peux, et j'y suis tout disposé, devant quelque tribunal que ce soit, demain, si on me le demande. »« Très bien. Vous pouvez vous en aller, mais surtout, ne dites rien de ceci à personne. » On sera discret, Monsieur Ball. » Pendant une longue partie de la nuit, Maître Ball et Richard Hare restèrent ensemble, l'un prenant des notes sur les renseignements de l'autre. Carlyle ne veut pas poursuivre Levison, c'est vraiment une absurdité. S'écria tout à coup Richard, au milieu d'une causerie insignifiante. Qu'en pensez-vous, Monsieur Ball ? L'avoué fit une grimace. Je ne comprends pas cette délicatesse. Carlyle est homme d'honneur jusqu'au raffinement. À sa place, comme j'aurais poursuivi Levison à outrance. Le lendemain, mardi, Maître Ball fut fort occupé à mettre en ordre les déclarations d'Ebenezer. Dans l'après-midi, il se rendit à Levison Park, cherchant comme un furet toute espèce d'information. Puis il revint chez lui. Le même jour, dans la soirée, Richard partit pour Liverpool, ne laissant qu'à sa sœur son adresse en cette ville. Le mercredi matin arrivèrent le comte de Mountsovern et Lord Vane. Carlyle les invita tous deux à l'accompagner à Westline. Westline était dans une agitation de plus en plus grande. Le résultat des élections devait être connu cette semaine et toute la population, collectivement et individuellement, s'en occupait avec ardeur. Le comité de Carlyle s'était installé à la taverne du Dain et les allées et venues y étaient si nombreuses que les pavés s'usaient sous les pas. « Je vous rejoins dans 10 minutes, » fit Carlyle en quittant le bras de Lord Mountsevern au moment où il venait d'arriver à son étude. « J'entre un instant lire ma correspondance. » Le comte poursuivit son chemin jusqu'à la taverne du Dain et Lord Vane descendit rapidement jusqu'à celle du Corbeau pour voir ce qui s'y passait. Carlyle s'assit dans son cabinet, ouvrit ses lettres, les rangea, indiqua au dos de quelques-unes la réponse à faire et fit venir Deal, à qui il donna quelques instructions. Alors il se leva. « Vous êtes pressé, monsieur Archibald ?»« Oui, on m'attend à la taverne du Dain. Pourquoi me demandez-vous cela ?»« Il m'est arrivé hier soir quelque chose de curieux. J'ai entendu une querelle entre Levison et Otway Battle. Vraiment ?» dit nonchalamment Carlyle, occupé alors à chercher quelque chose au fond du tiroir de son bureau. « Et ce que j'ai entendu suffirait pour faire pendre Levison, sinon Bethel. Tenez, monsieur Archibald, aussi sûr que nous sommes ici, il possède le secret du meurtre de Hallijohn. Il paraît que Levison a arrêté. J'aime mieux ne rien savoir. Levison est peut-être l'assassin, mais cela ne me regarde pas, et je ne veux pas m'en mêler. » Le vieux Deal était décontenancé. « En attendant, monsieur Archibald, le pauvre Richard souffre. Oui, je le sais. Est-il juste que l'innocent soit puni pour le coupable ? Non. » « Sans doute. Ce n'est pas juste, mais c'est très ordinaire. » Si quelqu'un voulait se charger de la cause de Richard, on pourrait prouver qu'il est innocent, » ajouta le vieillard en regardant fixement Carlyle. « Quelqu'un s'en charge, Deal. » « Eh bien, » s'écria Deal dont la joie illuminait les yeux, « voilà la meilleure nouvelle qui me soit venue depuis bien des jours. »« Mais, monsieur Carlyle, vous aurez besoin de mon témoignage. Levison, ce n'est pas moi qui me charge de la cause. Portez ailleurs vos nouvelles. Je vous répète que cela ne me regarde pas. » Alors qui s'en charge, si ce n'est pas vous, Maître Ball? Il a déjà eu une entrevue avec Richard et a commencé à agir, mais secrètement. Les yeux de Deal étincelaient. Va-t-il poursuivre? Je vous dis que je ne sais rien et je ne veux rien savoir. Si l'affaire arrive à la publicité, je prendrai part au témoignage, voilà tout. Fort bien, je vous comprends. Mais moi je vais de ce pas à leur étude, leur faire part de ce que j'ai entendu, ajouta le vieux Deal avec résolution. Faites comme vous l'entendez, cela vous regarde. Mais c'est à Ball et non à Treadman qu'il faut vous adresser. » Après avoir donné quelques ordres au premier clerc, Deal courut à l'étude de Ball et Treadman. Il y resta une grande heure, enfermé avec Maître Ball. Ce ne fut qu'à 3 heures de l'après-midi que les juges montèrent sur leur siège. Ils avaient fait l'école buissonnière à la façon des écoliers paresseux et ne s'étaient mis à l'ouvrage qu'à la dernière extrémité. Cela pouvait à peine s'appeler une entrée, car ils n'étaient que deux, marchant l'un derrière l'autre avec des mines que la conscience de leur négligence allongeait singulièrement. C'étaient les juges Herbert et Rinner. Ils prononcèrent leur verdict dans 2 affaires qu'avaient occasionné les élections de Westline. La dernière cause finissait à peine que Maître Ball entra tout effaré. Il commença par proclamer qu'il s'agissait d'une question des plus graves, et pour assurer à la justice un effet réel, il fallait que messieurs les juges lui accordassent l'audience à huis clos. Les juges se consultèrent, firent semblant de réfléchir. Et, se laissant gagner par la curiosité, ils accédèrent à la demande de l'avoué. Ils se retirèrent dans une salle particulière, et il était 4h30 passées lorsqu'ils en sortirent, la mine de plus en plus allongée, de plus en plus piteuse. On pouvait lire que la communication de Maître Ball les avait embarrassés et confondus.